Ndikomanyanga. Nous sommes jeudi 8 septembre 2022. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Sanganero, à ce journal, l'édition de la mi-journée. Donc, voici d'abord l'essentiel. Certains parmi les habitants de la colline Karambi, en commune Bouyengiro de la province Rumonge, ont barricadé la route menant au site de construction du barrage hydroélectrique de Murenge ce jeudi matin. Ils disent manifester leur mécontentement par rapport au non-paiement des indemnités pour les champs de culture endommagés par les travaux d'aménagement de cette route, vous l'entendrez. Des habitants de la commune et province Rutana jugent important l'enregistrement des propriétés foncières. Ce dernier précise que la propriété enregistrée peut constituer une hypothèque pour accéder au crédit. Vous aurez dans cette même édition l'analyse du politologue et expert en relations internationales Guillaume Ndaï Kengourouté sur la visite de la délégation du Parlement belge venue pour discuter avec les Burundais sur le passé et colonial. Bienvenue à ce journal dont la mise en onde est assurée par Albert Douaye. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le dialogue entre les Burundais et les Belges sur l'époque coloniale devrait être consensuel pour que la vérité qui a marqué cette période soit portée à la connaissance des Burundais. Propos du professeur de l'université expert en relations internationales, c'est après l'accueil de la délégation belge par le président de l'Assemblée nationale en visite au Burundi pour discuter sur le passé colonial belge. Guillaume Ndaï Kengourouté explique que les deux devraient s'entendre sur un fait de la même manière. Suivez-le. 60 ans après la colonisation dans différents pays d'Afrique, le constat est qu'il y a eu des demandes pressantes du côté des opinions publiques des pays colonisateurs, particulièrement l'opinion publique belge, qui demande à ce que les autorités puissent faire quelque chose pour regarder ce passé colonial qui n'est pas du tout un passé reluisant, que ces demandes sont là pour demander à ce que les autorités prennent leurs responsabilités par rapport à ce passé. Et donc je pense que c'est dans cette perspective que les parlementaires belges ont effectué ces missions, ont rencontré différents acteurs de la société burundaise et bien évidemment particulièrement les députés de l'Assemblée nationale du Burundi, leurs homologues, pour pouvoir voir dans quelle mesure ils peuvent ensemble aborder ce passé colonial qui est douloureux. De toutes les façons, comme on le constate, cette intention de revisiter le passé, ce n'est pas uniquement une initiative des autorités belges. Déjà, les autorités burundaises s'y penchent particulièrement à travers la commission Vérité et Réconciliation. Donc, il y a cette envie partagée des autorités belges, tout comme les autorités burundaises, de revisiter son passé. Seulement, la question qui se pose, c'est celle de savoir si ces autorités belges et burundaises entendent suivre la même démarche pour faire ce travail et puis ils comprennent cette entreprise de revoir leur passé de la même manière et si leurs objectifs sont les mêmes. Donc, il est très important de se poser cette question, ce travail qui consiste à revisiter un passé aussi douloureux comme le passé colonial, c'est un travail très important, un travail très crucial pour un peuple. Ce n'est pas un travail à politiser. Ce n'est pas un travail pour répondre aux intérêts des autorités du moment. Ça dépasse une génération parce que c'est pour préparer un avenir pour tout un peuple. Donc, ma proposition c'est que ce soit les autorités belges tout comme les autorités burundaises puissent trouver un moyen de regarder dans la même direction pour penser aux intérêts de ce peuple qui a souffert de son passé colonial et qui continue à en subir les séquelles. Politologue Guillaume Ndaï Kengourouté était au micro de ma consoeur Audrey Akimana. Je vous le disais en titre, certains parmi les habitants de la colline Kirambi, en commune Wiengero de la province Rumonge, ont barricadé la route menant au site de construction du barrage hydroélectrique de Murenge ce jeudi matin. Ceux qui ont été contactés disent manifester leur mécontentement par rapport au non-paiement des indemnités pour les champs de culture endommagés par les travaux d'aménagement de cette route. Cela va faire une année Rémi Nsengiumva, chargé des questions environnementales et sociales dans la société Orascom, exécutant ses travaux, condamne ces agissements qui, selon lui, sont sans fondement. Pour lui, il devrait attendre la disponibilité des fonds, prenant pour exemple ceux qui ont été déjà rétablis dans leurs droits. Les détails avec Jean-Pierre Misako. Pendant plus de 3 heures, à partir de 6 heures du matin de ce jeudi, certains parmi la centaine de personnes figurant sur la liste des personnes en indemnisé pour leur culture de manioc, caféier, palmier à huile, bananier, manguier et bien d'autres cultures endommagées ont barricadé la route menant vers le site de construction du barrage hydroélectrique sur la rivière Mulembwe. Ceux qui ont été contactés disent qu'ils viennent de passer 11 mois sans indemnisation alors que leurs cultures de base ont été détruites. Ils demandent indemnité pour leurs cultures endommagées, de même que leur parcelle désormais devenue inutilisable car envahie par des alluvions mélangées à de grosses pierres. Rémi Nsengiumva, chargé du volet environnement et le social à l'entreprise Orascom exécutant ses travaux, reconnaît l'existence d'une liste de personnes à indemniser. Mais il regrette cette méthode de réclamation qu'il qualifie d'insurrectionnelle pour une affaire qu'il savent bien qu'elle est en cours de traitement et a même déjà abouti pour certains. Pour lui, ces personnes devraient attendre dans le calme la disponibilité des fonds. Certains parmi ces habitants de Karambi reconnaissent qu'il y a ceux qui ont été déjà indemnisés, mais après une telle réclamation, la dernière en date ayant eu lieu fin mars de cette année. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. L'actualité continue sur Isanganiro, cap sur Rutana, où des habitants de la commune et province de Rutana jugent important l'enregistrement des propriétés foncières. Ces habitants précisent que la propriété enregistrée peut constituer une hypothèque pour accéder au crédit. Yabendale Ondas, agent responsable du service foncier Rutana, explique que le manque de moyens constitue un défi majeur pour faire enregistrer leur propriété. Les détails avec Eddy Igahimbari, notre envoyé spécial à Rutana. Ces habitants reconnaissent la plus-value d'enregistrement de leurs propriétés foncières. Ceux qui détiennent des certificats fonciers placent l'actif de cette situation des sensibilisations sur l'enregistrement de leurs propriétés. Ces propriétés foncières enregistrées peuvent constituer des hypothèques pour avoir des crédits pour des projets de développement, disent ces habitants. J'ai compris l'importance de ces sensibilisations d'enregistrement de nos propriétés, que ce soit la radio ou au cours des réunions. Nous devons enregistrer nos propriétés afin de bénéficier de ce certificat foncier. Moi, en tant que femme, j'avais hérité de mes parents une propriété et j'ai pensé à l'enregistrer. J'ai payé 2 000 et après avoir délimité ma parcelle, j'ai payé 5 000. C'est un avantage. Car ces propriétés foncières enregistrées constituent des hypothèques pour avoir des crédits des projets de développement. J'ai payé 10 000 francs parce que ma propriété a une longueur d'un hectare. Après, j'ai payé encore 10 000 francs afin que je puisse récupérer ce certificat foncier. Pas d'autres documents sauf ma carte d'identité. Le manque d'argent exigé pour cette opération d'enregistrement des propriétés foncières constitue entrave pour des habitants de Mini, déplore agent responsable du service foncier en commune Rutana. Yabendale Ondas précise que parmi les documents nécessaires pour l'enregistrement se trouve le titre foncier. Parmi les documents exigés pour enregistrer la propriété foncière, il y a des titres de propriété et attestations de cette dernière et après, on passe à l'enregistrement. Mais ce n'est pas fini. Nous avons une équipe sur chaque colline de techniciens composés de 7 membres chargés de faire une enquête sur le propriétaire de cette parcelle. Nous devons savoir qu'il n'y a pas de conflit foncier sur cette dernière. Après, nous passons à l'affichage qui dure 30 jours. On exige également une somme à payer pour les opérations d'enregistrement qui s'élèvent selon la superficie de la propriété foncière, ce qui constitue quelquefois un défi majeur pour des habitants démunis. C'est l'agent responsable du guichet unique de la commune Lutana. Depuis 2018, plus de 3000 certificats fonciers ont été délivrés. Merci à Didi Gahimbare pour tous ces détails de Rutana. Rendons-nous à Gitega, où le cultivateur des zones de la commune Gitega demande d'être approvisionné en engrais à temps pour ne pas semer en retard. Il dit cela au moment où, ce mercredi, les bénéficiaires du programme de l'ONG World Vision, qui sont à près de 3000, ont reçu 24 tonnes de semences de maïs composites envoyées par l'État Bondé. Pour ceux qui font les cultures en bloc, vont recevoir 10 tonnes. Le conseiller du gouverneur en charge du développement leur a rappelé que ce maïs sont des semences à ne pas consommer. N'est-ce pas, Arthur Kavabushi? Ces bénéficiaires du programme de l'ONG World Vision Umwana Mumuryango sont au nombre de 3461 et chacun va recevoir 4 kilos de maïs composite et habite les zones de Gitega rural, Mungwa et Mubuga. Pour cette femme, il y a un avantage vu que les semences arrivent à temps. L'avantage maintenant, c'est que c'est l'État qui nous donne les semences qui nous étaient difficiles à avoir et nous allons semer à temps. Cependant, ils trouvaient que même si les semences leur parviennent à temps, il faut que ça soit le cas pour les engrais, indique cette autre femme. Nous demandons que les engrais nous parviennent à temps, comme c'est le cas pour les semences. Cette autre femme trouvait que l'État devrait être proche d'eux en leur fournissant tout le nécessaire. L'État devrait rester à nos côtés et nous donner des engrais vu qu'on peut en avoir besoin et les manquer. Le conseil du gouverneur chargé du développement, Serge Sabukunze, souligne qu'ils vont recevoir 24 tonnes de maïs composite très fructueuses. Nous remercions l'État car les engrais sont déjà disponibles. Et maintenant, nous sommes en possession des semences de maïs, surtout que dans peu de jours, la pluie va commencer à tomber. Aujourd'hui, vous allez recevoir 24 tonnes 500 kilos de semences de maïs. Ce conseiller leur demande de ne pas manger cette semence, mais plutôt de la semer. Nous vous interpellons, vous tous ici présents, que cette semence donnée par l'État via le programme de World Vision n'est pas à manger, c'est à semer pour avoir une bonne récolte. Cette semence de maïs composite sera également donnée à ceux qui ont rassemblé leurs champs pour faire des cultures en bloc et vont recevoir 10 tonnes. Depuis Gitega, Tukavabushi, Radio Sanganiro. Actualité internationale. En actualité internationale au Mali, les djihadistes de l'EGS ont pris le contrôle de la ville de Talataye. Talataye, environ de 150 km de Gao, est contrôlé depuis mardi 6 septembre dans la soirée par des djihadistes de l'État islamique au Grand Sahara, selon l'AFP, citant un élu local, responsable régional et un interlocuteur sur place. Pour l'heure, aucun bilan humain n'est disponible. Et au Niger, les dégâts causés par les inondations sont énormes. Plus de 100 personnes ont perdu la vie depuis le début de la saison des pluies en juin dernier, avec 140 029 sinistrés selon la Direction générale de la protection civile du Niger. Et alors que la prise en charge de ces personnes sinistrées se poursuit, certains sites devant les accueillir sont également confrontés à des inondations. C'est le cas de la cité enseignant-chercheur située à 12 km du centre de Niamey. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndoua pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Évariste Ndikoubanyanga. Bonne suite des programmes sur Sanganiso.